Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Boum boum boum. Musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune, même en temps de confinement, même quand les locaux de la radio sont fermés pour les raisons que vous imaginez. On continue, on reste à l'antenne. Avec Jonas, on s'organise pour enregistrer les introductions depuis chez nous et on compte sur la solidarité et la motivation de nos DJ invités. Deux belles émissions nous attendent, celle de ce soir et celle de la semaine prochaine, puisque nous confions pour la première fois de la saison une carte blanche à un collectif ou à une association. On avait déjà fait ça avec Abstract et avec les Chineurs de Nantes lors des saisons précédentes. On va le refaire plein de fois en décembre, en janvier, en février, en mars, en avril prochain. Ceux qui s'y collent en premier pour notre 7e saison de Musique Française Curieuse, ce sont les Nantais de Chantal. Chantal, c'est ce collectif qui est né en 2017 et que les danseurs nantais connaissent bien pour deux raisons. La première, c'est leur super soirée, notamment au Rond-Point. La deuxième, c'est leur chemise à fleurs. Les DJ de Chantal sont donc avec nous ce soir et la semaine prochaine. Et le premier à s'y coller, c'est Bijan qui passe donc derrière les platines de Boum Bomo. Bonne écoute, à la semaine prochaine. De tout temps, l'une des caractéristiques fondamentales des êtres humains est qu'ils se déplacent. Par la fenêtre pour leur échapper alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils étaient venus ici pour fuir la guerre, la répression ou la misère. pas moralement. Goldfanny. Goldfanny. L'âme pour le paradis. Et l'on écoute la musique. Bye.

les pneus frissent en cigare, tout feu éteint. Ils boivent le champagne que servent des filles en paille. Descend de ton affiche. Lolo, t'es trop Marlène. bouche est jaune comme un carambar. Lolo, tu te désarticules. Lolo, tu colles à ton pull. Lolo, t'as mal au. Elle a au corps le stress du stress. Côté fesses et côté face. Lolo, t'as mal. Lolo, t'as mal au. T'es pas Lili, pas Lola, mais t'as mal au, mal au. Oh là là, mal au. gonna break it, it's gonna break it, ha ha. Thank you.